Si je n'avais pas été malade, je serais venue te soigner, dit enfin Lisbeth, après avoir échangé un regard avec les yeux abattus de son amie. Voici 15 ou 20 jours que je garde la chambre, mais en apprenant ta situation par le docteur, je suis accourue. Pauvre Lisbeth, tu m'aimes encore, toi, je le vois, dit Valérie. Écoute, je n'ai plus qu'un jour ou deux à penser, car je ne puis pas dire vivre. Tu le vois, je n'ai plus de corps, je suis un tas de boue. On ne me permet pas de me regarder dans un miroir. Je n'ai que ce que je mérite. Ah, je voudrais, pour être reçue à merci, réparer tout le mal que j'ai fait. Oh, dit Lisbeth, si tu parles ainsi, tu es bien morte. N'empêchez pas cette femme de se repentir. Laissez-la dans ses pensées chrétiennes, dit le prêtre. Plus rien, se dit Lisbeth épouvantée. Je ne reconnais ni ses yeux, ni sa bouche. Il ne reste pas un seul trait d'elle, et l'esprit a déménagé. Oh, c'est effrayant. Tu ne sais pas, reprit Valérie, ce que c'est que la mort, ce que c'est que de penser forcément au lendemain de son dernier jour, à ce que l'on doit trouver dans le cercueil. Des vers pour le corps, mais quoi pour l'âme? Ah, Lisbeth, je sens qu'il y a une autre vie, et je suis toute à une terreur qui m'empêche de sentir les douleurs de ma chair décomposée. Moi qui disais en riant à Crevel, en me moquant d'une sainte, que la vengeance de Dieu prenait toutes les formes du malheur, eh bien, j'étais prophète. Ne joue pas avec les choses sacrées, Lisbeth. Si tu m'aimes, imite-moi, repens-toi.